J'ai bâti tant de châteaux, de pierre, de sable et de roseaux. Puis j'ai vu leurs murs couler en un jour ou en une année. J'ai laissé passer les fêtes comme un ami qu'on voit partir à courir après des miettes. Et pour vivre et pour m'étourdir, les jours de joie, laisse-les vivre, les souvenirs, laisse-les courir. Quand ils sont là, laisse-toi vivre, laisse-toi vivre. Les jours de joie, laisse-les rire, les souvenirs, laisse-les mourir. Ne t'en fais pas, laisse-les rire, laisse-les rire, laisse-les rire. J'aimerais trop peu ou trop, parfois trop tard, parfois trop tôt, en passant sans dire un mot. Des grands rires aux grands sanglots. Et crois-moi, si le temps passe, laisse-le partir où il veut. Ce qu'il écrit, tu l'effaces, et tu gardes ce que tu veux. Les jours de joie, laisse-les vivre, les souvenirs, laisse-les courir. Quand ils sont là, laisse-toi vivre, laisse-toi vivre. Les jours de joie, laisse-les vivre, les souvenirs, laisse-les mourir. Ne t'en fais pas, laisse-les rire, laisse-les rire, laisse-les rire.